Chapitre 18e. La ferme de Holbrook faisait partie du domaine de Blatchmardean. Devant la maison était un jardin à la fois utile et agréable. Derrière les communs, un grand verger, plus loin, des pâturages et des champs labourés à perte de vue. D'énormes meules émergeant de tous côtés prouvaient que la récolte avait été exceptionnelle. Arrivé à la porte de la ferme, Morton agita en vain une grosse cloche. Il poussa ensuite un noé formidable qui provoqua les aboiements des chiens de garde. Une belle fermière, dont les sabots résonnaient bruyamment sur les pavés de la cour, finit par venir ouvrir. « Vous avez sonné, monsieur ? » demanda-t-elle à Morton. Puis, apercevant Lady Frances, elle s'écria « Comment ? Est-il Dieu possible, la fille de notre maître ?»« Oui, elle-même, ma bonne madame d'Audley. Je suis tombé de cheval et je viens vous demander l'hospitalité jusqu'au moment où l'on m'enverra une voiture de Blatchmardean. Que notre maîtresse soit la bienvenue. Nous regrettons seulement la fâcheuse circonstance que nous procure le plaisir de sa visite. Je n'ose parler à Lady Frances de lui prêter mes hardes, et pourtant il me semble urgent qu'elle enlève son habit pour qu'on le fasse sécher. Mille remerciements, madame Dudley. Je ne veux pas vous donner cet embarras, répondit Frances en frissonnant. Il serait prudent, croyez-moi, ma chère Fanny, d'accepter cette offre, dit Morton. La fermière étant parvenue, à force d'instances, à vaincre la résistance de Lady Frances, celle-ci prit à Morton de rester dans le parloir près d'un bon feu, tandis qu'elles iraient toutes les deux dans un appartement de réserve au premier étage. Madame Dudley prit dans un tiroir une jolie robe de flanelle bleue à petits bouquets, présent que lui avait fait son mari après la naissance de leur premier enfant. Puis, s'approchant de Lady Frances, elle lui passa le vêtement, qui était trois fois trop large. Madame Dudley eut alors l'idée de proposer à sa maîtresse de se mettre au lit pour se reposer, offre que Frances n'accepta pas. Elle descendit au parloir, où Morton se tenait debout près d'une fenêtre, admirant sans doute le beau panorama qui se déroulait devant ses yeux. « Maintenant, Morton, dit-elle, je vous prie de remonter immédiatement à cheval. Madame Dudley aura soin de moi jusqu'à l'arrivée de la voiture. Si vous ne perdez pas de temps, vous pourrez facilement rattraper les chasseurs. « Merci, Frances. » « Je n'ai aucun désir d'accepter cette proposition. Avec votre permission, je resterai près de vous et de ce bon feu. » Madame Dudley, ayant entendu cette conversation, en conclut que l'aimable compagnon de Lady Frances ne pouvait être que son fiancé, et elle les laissa en tête à tête. « Mais il est trop absurde que vous perdiez votre journée près de moi, Morton, » dit Lady Frances dès que la fermière les eut quittés. « C'est au contraire un plaisir, qu'il ne me cause aucun regret. » « Pourquoi alors vous faites-vous si rare à Blatchmardean ? Pourquoi nous délaissez-vous comme vous le faites ? Le vieux château vous semble sans doute trop lugubre depuis les riantes pensées d'avenir qui ont pris possession de votre cœur ? Ah, je vous en prie, ne parlez pas ainsi de Blatchmardean. J'ai passé quelques-unes des meilleures heures de ma vie. Comment pouvez-vous dire cela ? Croyez-vous donc qu'un homme ne puisse être heureux avant d'être fiancé ? » Frances n'approfondit pas la question. Il lui suffisait d'avoir entendu ce qu'il venait de dire. Elle resta silencieuse un moment en regardant le bois qui pétillait dans l'âtre. Peut-être y voyait-elle l'emblème de la vie, après les flammes, les cendres et le froid. Madame Dudley vint apporter du combustible pour animer le feu. Elle demanda à Lady Frances comment elle se trouvait et si elle ne voudrait pas accepter, comme au temps de sa petite enfance, une légère collation. « Non, merci, ma bonne Madame Dudley. Tout ce que je vous demanderai, c'est de vous asseoir ici près de nous et de me raconter les nouvelles du pays. » « Il n'y a pas grand-chose de neuf, » dit Madame Dudley en aplatissant les plis de son tablier de soie noire, tout en s'asseyant lentement sur une chaise en face de Lady Frances. « Depuis quelque temps, on ne parle que de l'affaire qui vient d'être jugée à Highlair. » Avant que Lady Frances eût le temps de lui faire signe de ne rien dire, Morton, à son tour, demanda « Et qu'en dit-on » « Il est bien naturel qu'on en glose. C'est une histoire si étrange, si extraordinaire. Un homme venant se livrer à la justice au bout de 20 ans et de plus, un avocat interrogeant Sir Everard Courtenay sur la conduite de sa femme, exactement comme s'il se fût agi du dernier des paysans et non d'un grand seigneur. On ne devrait pas tolérer de pareilles licences. Il est scandaleux de mêler le nom de Lady Courtenay à de semblables débats, alors qu'elle repose depuis si longtemps dans la tombe. Sa mémoire paraît vous être bien chère. Vous l'avez donc connue ? De vue seulement, monsieur. Ah, quelle belle personne ! Mais autrefois, j'en ai souvent entendu parler. Quand j'étais jeune et qu'elle s'appelait encore Miss Alice Rothney, une de mes cousines germaines, Lucy Stevens, était au service de la pauvre Lady Courtenay lorsque celle-ci mourut 1 an après son mariage et la nuit même de l'assassinat de M. Blake. Ah, quelle terrible nuit! C'est alors qu'une puissance mystérieuse mit en branle la cloche de l'église vers minuit, phénomène qui causa un indicible effroi aux enfants et aux vieillards. D'aucuns s'imaginaient que c'était la fin du monde et qu'au son funèbre de cette cloche allait succéder celui de la trompette du jugement dernier. « Votre cousine vit-elle encore ?» demanda Morton. « Oui, monsieur. Mais elle est toujours malade. Elle a fait la sottise d'épouser un artiste, un accordeur de piano, qui joue aussi du cornet à piston. Bien qu'ils aient plusieurs cordes à leur arc, ils ont grand peine à joindre les deux bouts. Et comment s'appelle votre cousine ?»« Lucy Churchill Green. » »« Le ménage vient-il quelquefois vous voir ?»« Non, je ne puis les inviter, attendu que mon mari a les artistes en antipathie. Mais quand j'ai un instant de liberté, je vais voir ma pauvre Lucie à Avonmore. Elle me raconte ses chagrins, et je sais que cela lui fait du bien. » À ce moment, un bruit de voiture se fit entendre. Lady Frances, s'avançant vers la fenêtre, aperçut le coupé qui venait la prendre. Sa respectable gouvernante y avait pris place, en apprenant l'accident qui était arrivé à sa chère élève. Lady Frances tendit alors la main à Morton en disant « Promettez-moi de ne pas m'en vouloir, si je vous ai privé du plaisir de suivre la chasse. » « Ah, je le regrette moins que vous ne le pensez. » « Comme vous dites cela d'un ton solennel, » reprit Lady Frances. « Adieu et merci, Morton. » Mais, un homme bien élevé, il ne s'éloigna qu'après avoir fait monter Lady Frances dans sa voiture. La conversation de Madame Dudley lui avait ouvert des horizons nouveaux. Il lui tardait de les pénétrer en allant interroger lui-même Lucy Churchill Green.